Le président Museveni a jusqu'au 23 février pour y opposer son veto ou l'amender, afin qu'elle ne soit pas promulguée, mais il a indiqué qu'il signerait la mesure. Le texte de loi criminaliserait les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, LGBTI, a noté l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. Elle aurait un effet dévastateur pour les professionnels de santé et les militants des droits humains. Il s'agit en fait d'homophobie cautionnée par l'État, a déclaré Claire Bayard-Ougabeille, défenseur ougandaise des droits des LGBTI à Amnesty. L'homophobie est déjà très répandue en Ouganda, souligne Amnesty International, où les homosexuels et lesbiennes restent la cible de menaces ou violences. Les personnes LGBTI sont de plus en plus harcelées et certaines ont été victimes d'agressions collectives. Le projet de loi contre l'homosexualité accroît le nombre d'infractions pénales liées au fait d'avoir des relations homosexuelles et bafoue la constitution de l'Ouganda. La peine maximale prévue pour des relations entre personnes de même sexe demeure la détention à perpétuité, rappelle l'ONG de défense des droits humains. Aux États-Unis, le débat se poursuit sur le droit au mariage des personnes de même sexe, un droit que M. Obama soutient. 17 des 50 États de l'Union ont légalisé le mariage de même sexe. Les États-Unis croient que les gens partout dans le monde doivent être traités de la même façon, avec dignité et respect, et qu'ils devraient avoir la possibilité d'atteindre leur plein potentiel, quels qu'ils soient ou qui ils aiment, a fait valoir le président Obama. États-Unis, plus besoin de blanchir l'argent du cannabis. Récemment, le Colorado et l'État de Washington ont légalisé la possession de petites quantités de cannabis. 18 février 2014, les banques qui veulent faire des affaires avec des vendeurs de marijuana autorisés pourront dorénavant le faire aux États-Unis. Au terme de nouvelles règles récemment publiées, le Bureau du FinCEN, le gendarme du Trésor américain chargé des affaires financières, a émis un guide à l'intention des banques sur la façon de fournir légalement des services financiers aux vendeurs de marijuana légalement autorisés. C'est une première, puisque les autorités fédérales continuent de considérer le cannabis comme une drogue illicite alors qu'une vingtaine d'États et Washington, D.C., la capitale, l'ont autorisé à des fins médicales récemment. Le Colorado et l'État de Washington ont également légalisé la possession de petites quantités de ce stupéfiant. King Kester Emeneya, le roi de la musique congolaise n'est plus. 14 février 2014, le roi de la musique congolaise King Kester Emeneya, de son vrai nom Jean Emeneya Mubiala Kwamambu, est décédé jeudi 13 février 2014 à 5h30 à l'hôpital Marie-Lanne Long en région parisienne à l'âge de 57 ans. Dans une de ses récentes interviews, Kester Emeneya ne cessait de parler de son modèle. Le seigneur Taboul est décédé en novembre dernier, selon ses proches. Il aurait reçu un choc en apprenant cette triste nouvelle. King Kester a été retenu à l'hôpital Marie-Lanne Long pour des problèmes de cœur. Artiste de renommée internationale, il s'est produit sur les 5 continents. Ses plus célèbres tournées se déroulent au Japon en 1991 et en Amérique du Nord. Il est le premier artiste congolais avec Timothy Kini Victoria Ellison à se produire au Zénith de Paris. King Kester laisse une discographie de plus de 1000 chansons dans sa carrière. Son dernier album, This Is Me, était prévu pour l'été prochain, mais il est fort probable que nous n'ayons jamais l'occasion de déguster ses dernières belles mélodies. De nouveaux corps de béret rouge découverts à Bamako, 24 février 2014. Au moins 5 cadavres ont été découverts dimanche soir près de Bamako. Cette découverte intervient dans le cadre de l'enquête sur la mort des Bérets Rouges. Ces soldats restaient fidèles à l'ancien président malien Amadou Toumani Tour. Il avait été renversé en 2012 par les hommes du capitaine Amadou Aya Sanogo, début décembre. L'enquête avait retrouvé près du camp militaire de Kati, un charnier de 20 et un militaire, depuis. Le chef de l'ex-junte, le capitaine, promu ensuite général, ainsi que l'ancien ministre de la Défense Yamoussa Kamara, ont été arrêtés l'an dernier. Obama offre une aide à la Californie, victime d'une sécheresse historique, 15 février 2014. À l'occasion d'un déplacement en Californie ce week-end, le président Barack Obama a annoncé une aide à la Californie, victime d'une grave sécheresse. Car si la neige est surabondante depuis 2 mois dans le centre et l'est des États-Unis, le temps reste largement au beau fixe en Californie, où une sécheresse qualifiée d'historique s'accentue depuis 1 an. Selon l'expert en eau James Famiglietti de l'Université de Californie à Irvine, ce serait la pire dans l'histoire de l'État, important producteur de produits agricoles. Si vous parlez de la neige ou de stockage de l'eau dans les réservoirs, ou de l'eau qui est stockée dans les sols qui sert à l'aquaculture, tout est à des niveaux historiquement bas, note M. Famiglietti. M. Obama, qui rencontrait ce week-end le roi Abdullah II de Jordanie en Californie, a tenu à assurer les agriculteurs californiens de son soutien, promettant une aide de 100 millions de dollars. « Nous accélérons le déboursement de 100 millions de dollars des fonds du projet de loi agricole que j'ai signé la semaine dernière pour aider les éleveurs. Par exemple, si leurs champs sont desséchés, cela va les aider à garder leur bétail », a fait valoir le chef de l'exécutif américain. Deuxièmement, la semaine dernière, nous avons annoncé 20 millions de dollars pour aider les collectivités durement touchées. Aujourd'hui nous annonçons jusqu'à 50 millions de dollars de plus pour la Californie et d'autres États qui souffrent d'extrême sécheresse, a-t-il ajouté. Monsieur Obama a annoncé qu'il demandera au Congrès américain de débloquer 1 milliard de dollars pour créer un fonds destiné à lutter contre les conséquences du changement climatique, la sécheresse, mais aussi les inondations et autres désastres naturels vont se faire plus aigus et dureront plus longtemps, a-t-il constaté.